Okay. On effet, pour ça. On m'a conso dans le ballot, faut des halos, ça crédit quand j'y allo. Tu connais ma safe life, ton snare à ta la mise à l'eau. Ramène des copines à la part, prendre la vovo, on boit pas de l'eau. Y'a ta pote qui nous fait la part, on vient direct, on pose son kilo. Tu écoutes jusqu'à Pékin, la musique c'est trop un monde de requin. Elle est bonne la taille mannequin, là aux îles bikini brequin. Qu'on est genoux, n'est-ce qu'être ce soir, je mets ma tournée.